En Corée du Sud, le comité de lutte de Songju contre la disposition de SAD, le comité de mesure des citadins de Kimchon contre la disposition de SAD, le comité de mesure d'urgence pour la protection des lieux sacrés de Songju du bouddhisme Won et l'action nationale contre la disposition de SAD ont mené le 18 à Séoul une lutte contre le déploiement de l'armement américain.